Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 37e émission, nous vous proposons une revue de presse en partenariat avec l'équipe de Faits et Documents. Pour cette émission, je me trouve accompagné de Vincent de la librairie Facta. Vincent, bonjour. Bonjour. Et chers auditeurs, comme chaque semaine, je me trouve accompagné de mon partenaire animateur Xavier de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Xavier, sur le site d'Égalité et Réconciliation, nous avons pu lire dernièrement une biographie du chanteur Renaud. Donc c'est une biographie assez étonnante, on n'a pas l'habitude de lire ça dans Faits et Doc. Je sais qu'elle est parue dans le Faits et Doc d'il y a 15 jours, c'est ça ? Tout à fait, dans le Faits et Doc du 1er mai. Pourquoi avoir choisi Renaud ? Renaud, c'est un sujet intéressant parce que c'est un chanteur que tout le monde aime bien. C'est-à-dire que même les gens qui sont agacés par ses positionnements politiques vont toujours dire « j'aime bien Mistral Galignan, j'aime bien ses chansons, c'est poétique, il y a un côté nostalgie, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence ». Et puis il effectue un retour et puis on le voit vraiment en très mauvais état sur le canapé de Michel Drucker. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis dans l'Express, il déclare, il fait une interview dans l'Express à l'occasion de la sortie de son album et il dit « J'ai viré ma cutie, hyper cachère », donc une de ses chansons, « rend hommage aux victimes juives, je l'ai interprétée au bord des larmes, j'espère me réconcilier avec une communauté » qui m'a un peu maltraité pour mon engagement pro-palestinien. Donc là, on se dit, de quoi il parle ? Est-ce qu'on n'aurait pas un angle ? Et donc du coup, on remonte les fils et on s'intéresse à la biographie de Renaud, n'est-ce pas Vincent ? Oui, voilà, c'est intéressant, parce que moi j'appelle ça le profil d'une famille française. Donc pour résumer, c'est une famille protestante qui vient des Cévennes. Donc le père de Renaud était professeur d'allemand, écrivain, d'ailleurs il a reçu le prix des Deux Magots en 42 pour son roman Les corps ont soif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était pendant la guerre traducteur donc à Radio Paris, donc la radio collabo quoi, Radio Paris Mans, Radio Paris est allemand, et c'est là qu'il rencontrera donc sa future femme Solange. Donc pareil, qui a un parcours assez intéressant, parce que son père, donc Oscar Mérieux, était dans l'entre-deux-guerres maire adjoint à Stein, donc une ville communiste. Mais donc son père rejoindra le PPF de Doriot pendant la guerre. Donc son père sera acquitté et son beau-père, lui, aura un peu plus d'ennuis. Alors on peut dire que c'est ces familles françaises plutôt de gauche qui, par pacifisme, alors qu'ils regardaient vers Moscou, se sont mis à regarder vers Berlin. Un peu dans la lignée de Céline, en quelque sorte. C'est le pacifisme de gauche de l'entre-deux-guerres qui va amener certaines franges à la collaboration. Et comme le père de Jospin, si je me souviens bien. Un certain nombre. Voilà. Et ce qui est intéressant dans la biographie que vous avez écrite, c'est que cette collaboration du père de Renaud a eu un poids important dans la carrière de Renaud. Alors, pour bien comprendre l'engagement de Renaud, c'est un enfant de 68. C'est-à-dire que son engagement, c'est un engagement gauchiste, c'est contre l'autorité du père, du flic et du curé. Donc il va être très lié à Coluche, c'est toute cette ambiance-là. Et au fur et à mesure qu'il va monter, il va s'imposer, c'est des succès énormes. Hein. Il vend des millions d'albums à l'époque. C'est l'équivalent, je ne sais pas moi, en termes de vente de Booba aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Donc il vend énormément d'albums. En plus, c'est une époque où il y a la télé, il y a la radio, il n'y a pas du tout Internet. Et au fur et à mesure qu'il va grimper, il va se rendre compte de certaines choses, et jusqu'aux années 90, notamment au moment de la guerre du Golfe, où finalement, à la manière de ses parents, par pacifisme, il va devenir judéo-critique, voire et anti-sioniste. Et surtout anti-sioniste, via notamment le journal de Jean Edernalier, L'Idiot International. Mais il ne pourra pas aller au bout de cet engagement, étant donné le passé de sa famille, c'est bien ça ? Alors, on peut imaginer ça, c'est-à-dire que c'est pas ce que nous disons, nous émettons cette hypothèse, c'est-à-dire qu'on émet l'hypothèse que cette partie de la vie qui n'est jamais révélée au grand public. D'ailleurs, je voyais encore l'autre jour un reportage sur Renaud sur France 2. On expliquait qu'il était d'une famille de gauche, anarchiste et ainsi de suite. Donc ce passé qui n'est jamais rappelé, on peut penser que ça ait pu être un moyen de pression à une certaine époque où Renaud s'est mis à déraper. Alors son premier dérapage, enfin ce qu'on appelle dérapage, hein, c'est cette fameuse phrase qui lui a été tant reprochée dans Miss Maggie, où il dit « Palestiniens et Arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide, c'est masculin comme un SS, un torero ». Et au moment de la guerre du Golfe, il publie dans l'Idiot International une version du déserteur de Boris Vian, où là, s'adressant à Mitterrand, et il lui dit « Président, si tu veux, président, marquer vraiment l'histoire et mériter la gloire pour au moins 2000 ans, envoie tes régiments libérer la Palestine. Là-bas, on assassine chaque jour des enfants. Envoie tes bombardiers raser la Maison Blanche. Ce sera la revanche de tous les opprimés. » Et alors là, Renaud se retrouve face à une vraie levée de bouclier. Alors d'abord, c'est Maurice Safran qui couvre le bal dans une revue communautaire qui s'appelle L'Arche. Et ensuite, évidemment, Guy Bedos qui embraye. Et Renaud, au début, se laisse pas faire. C'est ça qui est d'ailleurs qui est assez intéressant. C'est qu'il donne une interview au Quotidien de Paris où vraiment il assume. Alors, il envoie. Hein, il dit, il y a 20 ans, Gessmar, donc un leader de 68, cassait les vitrines chez Fauchon. Aujourd'hui, il se fournit chez Fauchon. Cohn-Bendit, le héros de 68, est devenu patron d'entreprise en justifiant les licenciements. Et Julie, l'ancien Mao, s'érige en défenseur de la social-démocratie. Le pire, c'est que cette intelligentsia qui va de Bedos à l'événement du jeudi et de BHL à Anne Sinclair, qui m'a traîné dans la boue. Quand je vois l'intelligentsia, le showbiz, les cultureux de tout poil profiter de toutes les tribunes pour balancer sur Le Pen, je me dis que je préfère garder ma voix pour d'autres combats. J'ai été leur bonne conscience de la même façon que le sont aujourd'hui les rappeurs de Jack Lang, qui en est à créer des départements de rap ou de tag dans certaines universités. Donc là, on sent un virage clairement dissident, pour employer un mot actuel. Et à ce moment-là, Renaud, qui entretient des relations très ambiguës avec l'Élysée, puisque sa tante a accouché Mazarine Pinjot, Anne Pinjot, donc la fille cachée de Mitterrand. Qui est à ce moment-là un secret qui obsède quand même Mitterrand. Donc Renaud, c'est ça. Il travaille à l'Idiot International, il devient presque quelqu'un de dangereux. Et on est dans un contexte où, 5 ans avant, il y a eu la mort de Coluche, qui était très proche de Renaud. Donc on est aussi dans ce contexte-là. Et au fur et à mesure, Renaud va être récupéré. On va lui dire, bah, écoute, tu vas incarner l'entier dans le film de Berry. Donc le héros de Germinal, de Zola, ce leader ouvrier. Et donc Renaud va en parallèle discrètement s'excuser, revenir sur ses déclarations et finalement, se rendant compte qu'il a été manipulé, va sombrer en quelque sorte dans l'alcool et tomber dans l'oubli. Il faut rappeler qu'au même moment, il y a l'affaire Rouge-Brun. Donc en fait, ça aussi, ça a été bien monté dans les médias, donc, et où son propre frère était impliqué. L'affaire Rouge-Brun, en quelques mots, Vincent ? C'est l'époque du journal de Jean-Yves Dornalier. Donc c'est l'époque justement voilà, de Jean-Yves Dornalier où un certain nombre de passerelles se sont faites entre ce qu'on pourrait appeler la vraie droite et la vraie gauche, notamment sur les questions de la guerre du Golfe. C'est-à-dire, la guerre du Golfe, c'est pas est-ce qu'on est de droite ou est-ce qu'on est de gauche. Il y avait des gens qui étaient contre, comme à gauche, comme Chevènement, contre à droite, comme Pasqua. Et puis ensuite, c'est dans la foulée, cette nouvelle sensibilité politique va s'exprimer, notamment au moment du traité de Maastricht. Et là, des liens vont se tisser, tant au niveau politique qu'au niveau médiatique. Et notamment, bon, bah, c'est pas un secret, Alain Soral a baigné dedans, notamment avec Jean-Paul Cruz, qui était aussi directeur de la CGT à Libération, il me semble. Et finalement, ce complot rouge-brun, parce qu'il y a des complots qui existent quand on veut bien qu'ils existent, sera démasqué par des journalistes comme Edwy Plenel ou Didier Daninx. Car c'est l'époque également de la montée en puissance de l'antiracisme institutionnel promu par Mitterrand. Et donc, Renaud est le symbole du chanteur récupéré politiquement. Et qu'est-ce qui explique son retour récent ? Là, c'est un coup commercial. On voit bien, il y a eu un CD qui a été fait avec un certain nombre de chanteurs modernes. Il y a une demande. Lui, c'est un gros vendeur de disques. Et puis voilà. Donc, c'est une espèce de réhabilitation, mais une réhabilitation sous contrôle, parce qu'il faut se souvenir qu'il était déjà revenu en 2002. Entre 2002 et 2006, il était déjà revenu. Donc, il fait un retour sur le plateau d'Ardisson en 2002 avec son album Boucan d'Enfer, où il a encore un t-shirt Palestine. Il arrive sur le plateau avec un t-shirt Palestine. En 2006, il ressort encore un album. Et là, la campagne de promotion est émaillée de harcèlement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un incident sur le plateau de Laurent Ruquier avec Patrick Timsit et Pierre Lelouch qui vont l'accuser d'antisémitisme. Et finalement, Renaud va une nouvelle fois redisparaître. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il sort son album, il donne une interview dans Télérama où, pour la première fois, il évoque sa famille. Il évoque vraiment sa famille, comme si il voulait dire « Bon, ben voilà, maintenant, j'ai viré ma cutie, je ne m'occupe plus de politique. D'ailleurs, si vous voulez vous attaquer à ma famille, voilà, je le dis. » et donc voilà, donc c'est un peu le symbole, et on a fait aussi cette biographie pour montrer tout ce que ça impliquait d'être un chanteur engagé. Voilà, et surtout, on n'a pas tout mis, parce qu'après enquête, ce qui transparaît donc dans le portrait, c'est les liens de la famille Séchant avec la Cagoule. Donc cette organisation, on va dire secrète, fondée dans les années 30, où l'on retrouve Eugène Deloncle, Schuller, qui après était à L'Oréal et qui était aussi ami avec Mitterrand. Et donc cette enquête va vous amener... Voilà, donc la cagoule, ce serait, pour utiliser le langage médiatique habituel, la caractéristique de l'organisation terroriste d'extrême droite. Et donc, il se dit que dans la famille Séchant, des membres... Famille Séchant, qui est la famille de Renaud. Voilà, des membres de cette famille auraient été des cadres de la cagoule, et peut-être que les liens d'ailleurs entre la famille Séchant et la famille Mitterrand datent de cette époque. Bon, c'est des pistes à explorer, pour ça il faudrait aller en bibliothèque, aller dans les archives. On n'en a pas forcément parlé dans le portrait parce que finalement c'est assez annexe, mais tout ça est intéressant pour montrer un peu la complexité du personnage. Et comme disait Vincent, voilà, c'est une famille française, c'est-à-dire qu'on rencontre à la fois la collaboration, à la fois une ambiguïté. C'est pas forcément des gens d'extrême droite, mais ils vont être dans la collaboration. Ensuite, Renaud va être gauchiste. Enfin, il y a vraiment tout ça. Et puis en même temps, il est un peu le symbole de la société française, c'est-à-dire que c'est un être en déliquescence. Je veux dire, ça fait vraiment de la peine de le voir. Alors, à propos de rebellitude, le fait qui a marqué l'actualité française dernièrement, c'est incendie d'une voiture de police par des antifas. À l'intérieur de la voiture de police, il y avait deux policiers. Xavier, est-ce que tu as des informations sur ce fait divers ? Alors voilà, ça c'est typiquement un fait divers qui a choqué toute la France, c'est-à-dire qu'on voit une agression d'une extrême violence, hein, c'est presque une tentative de meurtre. Et très vite, ce qui est sorti dans les médias, c'est que une personne est ciblée par la police comme étant à l'origine de cette attaque, et on nous a dit que c'était un certain Antonin B, issu d'une famille plutôt bourgeoise. Donc ça, c'est ce qui est ressorti dans la presse. Alors, ouais, ce qui apparaît très vite, c'est qu'ils disent voilà, militant antifasciste, voilà. De Paris, alors, Action antifasciste Paris banlieue. Voilà, alors ce serait un cadre de l'Action antifasciste Paris banlieue, donc il y a un groupe qui a été recréé en 2013 pour faire un peu la jonction antifasciste avec la banlieue, parce que il faut quand même reconnaître que les antifas, c'est souvent des petits blancs du centre-ville, c'est rarement des gens de banlieue. On peut reprocher plein de choses aux gens de banlieue, mais ils sont pas antifas. Et donc Bernanos, voilà. Donc du coup, un nom est apparu, c'est donc Antonin B serait, selon toute vraisemblance, hein, et sous toute réserve, donc Antonin Bernanos. Alors Antonin Bernanos, il se trouve que c'est l'arrière-petit-fils de l'écrivain catholique et plutôt nationaliste Georges Bernanos. Voilà. Et donc il est né, alors on a trouvé sa date de naissance, le 19 juin 94. Donc évidemment, on va pas donner son adresse, mais bon, évidemment, il habite plutôt un quartier paisible de Paris. C'est le fils du réalisateur Yves Bernanos, donc c'est typiquement ce qu'on appelle un milieu bobo, où les parents travaillent dans l'audiovisuel, les médias et ainsi de suite. Et récemment d'ailleurs, la famille Bernanos avait envoyé un courrier, je crois, pour se plaindre que le Front National avait cité Bernanos comme étant un auteur proche de leurs idées dans un de leurs discours. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que c'est toujours un peu le même profil de petits bourgeois. Donc là, c'est Action antifasciste Paris-Banlieue. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de banlieues dedans. Et alors, on remarquera que les médias ne donnent pas le nom. Hein, c'est Antonin B. Alors que quand, par exemple, ça va être un patriote qui commet une attaque similaire, vous pouvez être sûr que vous avez sa tête en une sur BFM pendant 6 heures avec le nom. Et c'est les journalistes devant le domicile. Donc là, on voit bien la différence de traitement. D'ailleurs, cet Antonin Xavier, on l'a retrouvé dans d'autres affaires, il me semble. Oui, il a déjà eu maille à partir, notamment dans les affaires d'agression, je crois, envers Alexandre Gabriac ou envers Alain Soral. Et puis, plus largement, l'action antifasciste Paris-Banlieue et le groupe qui s'était attaqué à la librairie Facta. Oui, moi j'ai eu droit à leur visite suite à l'affaire Méric. Et tous ces événements se passent en marge de Nuit Debout, ce mouvement qui occupe la place de la République. Vincent, tu as de nouveaux éléments concernant ce mouvement ? Oui, non, il faut juste rappeler donc, que Nuit Debout est née fin mars, donc suite à la loi El Khomri sur le travail. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de lire donc, Gaël Brustier, qui est un chercheur en sciences politiques qui suit le mouvement depuis le premier jour, a dit dès le début, il a été originellement imaginé et construit par des intellectuels et des militants expérimentés. Donc ça va à l'encontre de dire que c'est spontané, que c'est voilà. Donc derrière, alors qui apparaît donc à Nuit Debout ? Donc on a un peu à l'origine François Ruffin, donc qui est un journaliste qui a créé un journal qui s'appelle Fakir, donc et qui a surtout réalisé dernièrement le film Merci Patron, donc qui a été un peu à l'avant-garde. On retrouve aussi Laila Shaibi qui fait partie du collectif Jeudi Noir, mais qui est aussi au parti de gauche. Donc on retrouve des mélenchonistes. On retrouve donc aussi Thomas Coutreau, qui est un économiste, qui est coprésident d'ATTAC et qui est surtout un ancien de la Ligue. Et aussi Frédéric Lordon, donc un économiste. Il prend souvent la parole pour le mouvement. D'ailleurs, je l'ai écouté, il passe de temps en temps à la télévision, et c'est vrai que c'est un peu le nouveau Arlette Laguille, et c'est les patrons contre les travailleurs, c'est un discours de gauche très très très basique. Alors d'ailleurs, ce mouvement ne dérange absolument pas l'Élysée, puisque on a appris que des veillées avaient été organisées par les conseillers de François Hollande au sein même de l'Élysée, hein, poursuivre le mouvement sur Périscope. Et Jean-Christophe Cambadélis, qui est premier secrétaire du Parti Socialiste, a analysé Nuit Debout comme un printemps de la repolitisation. C'est vous dire à quel point ils ne sont pas craints. Alors, je voudrais faire aussi une petite remarque sur le nom de domaine nuitdebout.fr, parce qu'il y a eu une polémique, il y a eu une espèce de récupération. Donc ce nom de domaine a été acheté le 1er avril par la société, une société qui s'appelle REZ. C'est une société en relations publiques et communication qui est contrôlée par un couple alors assez atypique. C'est un couple qui sont dans le 20e. Hein, cette société est domiciliée dans le 20e arrondissement de Paris. Et donc ce couple est composé donc de Abdul Baki Youssoufou. Donc c'est un Sierra Léonais arrivé en France en 2001 quand il avait 24 ans. Il a été président de la Confédération étudiante. Donc c'est un syndicat étudiant proche de la CFDT, et il a conseillé notamment au sein de la CFDT le syndicaliste médiatique Édouard Martin, qui entre-temps est devenu député européen socialiste. Et alors, sa compagne a un parcours complètement différent, elle s'appelle Noémie Toledano, elle a commencé comme journaliste à Information Juive en 2008, ensuite elle est passée par le journal du Dimanche, elle est passée notamment par Street Press, dont on a déjà beaucoup parlé dans cette émission. Et elle a été chargée de mission à Coexiste. Alors qu'est-ce que c'est que Coexiste ? On s'est intéressé du coup à Coexiste. C'est, je cite, un module d'intervention en milieu scolaire portant sur la déconstruction des stéréotypes. Et donc ce module Coexiste, donc qui va en milieu scolaire apprendre l'antiracisme, a été créé en 2004 par l'Union des étudiants juifs de France. Alors c'est assez drôle de voir Alain Finkielkraut, qui a été chassé de Nuit Debout pour ses prises de position, parler de mouvements pogromistes. Donc il faudra qu'il aille expliquer à Noémie Toledano que c'est une pogromiste. Ah donc Xavier, il y a une apparente contradiction dans ce que tu dis, puisque tu disais que ce mouvement Nuit Debout ne dérangeait personne, mais apparemment Finkielkraut expliqué à la radio J qu'au bout de la Nuit debout, il y avait le pogrom. Donc lui, par contre, la Nuit debout le dérange. Oui, mais Alain Finkielkraut, il voit vraiment de l'antisémitisme partout. Je crois que c'est Isaac Bechevich Singer, qui est un grand écrivain yiddish, qui avait bien expliqué qu'il y a une catégorie de juifs qui cherche partout l'antisémitisme et qu'on chercherait même dans le désert, même sur la Lune. Et Finkielkraut appartient à cette catégorie. Et ça relève un peu de la paranoïa. Autre mouvement de contestation qui a lieu en ce moment, c'est celui de France Télévisions, avec à sa tête Michel Field. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous rappeler qui est ce personnage ? Alors Michel Field, bon, c'est le journaliste que tout le monde, entre guillemets, doit connaître. Donc, alors pour rappeler un peu, donc, il est né dans le Vaucluse, donc dans le Luberon à Saint-Saturnin-les-Alpes. Mais surtout, donc, sa famille, bon, son père et lui, est d'origine autrichienne, bon, enfin hongroise, un peu comme Sarkozy. Donc qui une famille donc qui a fui l'Anschluss et qui s'est installée sur la Côte d'Azur. Donc le père s'appelait Erwin Felschou. Donc Michel Field d'ailleurs changera son nom en Michel Field tout court en l'an 2000. Donc sur son parcours, donc faut rappeler que dès l'âge de 15 ans, Michel Field s'engage dans les rangs trotskistes. Donc il apparaît donc au moment de la loi Debré donc en 73. La loi Debré, c'était à l'époque une réforme sur le service militaire. Exactement, et il est présenté à l'époque par la presse comme le nouveau Cohn-Bendit, c'est-à-dire que c'est ce mouvement de manifestation de 73 contre la loi Debré était en quelque sorte une réplique de mai 68. Et donc lui va devenir le porte-parole du mouvement pendant que Julien Drey, qui est aussi un jeune révolutionnaire en herbe, négocie les parcours des manifestations avec la police. Alors ce qui est intéressant, c'est que Michel Field, qui aujourd'hui fait face à une contestation importante en interne à France Télévisions, pourrait typiquement, s'il avait aujourd'hui 19 ans, être un des leaders de Nuit Debout. C'est-à-dire typiquement, Michel Field, c'est le type qui pourrait être le leader de Nuit Debout. Et aujourd'hui, c'est un gros baron installé, membre de l'établissement, membre du siècle, très proche de Claire Chazal. Il a été le témoin de mariage de Xavier Couture, qui est vraiment un symbole de l'intelligentsia de gauche et qui a été mandaté par François Hollande entre septembre et décembre pour refondre un peu France Télévisions dans la perspective de l'élection présidentielle de 2017. Et donc du coup, comme il a pas des comme c'est un jouisseur, faut savoir qu'à la Ligue communiste révolutionnaire, son surnom c'est le social jouisseur. C'est un type qui n'a pas des compétences managériales énormes. Il reçoit les pieds sur la table. Il a le journalisme pour les nuls sur son bureau. Donc les journalistes en peuvent plus. Et en plus, il bouscule vraiment les habitudes. Et donc, se livre en ce moment une guerre par presse interposée entre les rédactions et Michel Field et sa supérieure hiérarchique, Delphine Ernot. Alors, il semble que vraiment Michel Field soit vraiment... Le vrai homme fort de France Télévisions au-dessus de Delphine Ernot, tout simplement parce que son carnet d'adresses est évidemment beaucoup plus important, puisque Delphine Ernot vient de Orange, alors que Michel Field a côtoyé le monde politique. Alors il était à la Ligue communiste révolutionnaire, mais depuis il s'est vraiment diversifié. Il est aussi bien avec Patrick Buisson qu'avec Nicolas Sarkozy qu'avec François Hollande. Ça a été un ami très proche du couple Strauss-Kahn-Sinclair. Et d'ailleurs, il est connu dans Paris que, et d'ailleurs il le revendique lui-même, que Michel Field est très... c'est en quelque sorte, c'est un érotomane. C'est quelqu'un qui adore le sexe, qui l'a écrit, qui a écrit des livres érotiques et ainsi de suite. Et dans cette guerre qui se mène par journaux interposés, il se pourrait qu'une affaire Strauss-Kahn apparaisse pour le faire tomber. Donc dans les prochains jours, donc, je pense qu'il faut suivre l'actualité de Michel Field dans les prochains jours. Mais concrètement, Xavier, qui est derrière Michel Field, qui est contre lui ? Comment s'organise cette guerre dont tu parles ? D'abord, c'est une guerre politique avec l'enjeu, comme je l'ai déjà dit, c'est la présidentielle 2017. Et il s'est mis beaucoup de monde à dos, notamment les syndicats de journalistes, qui par définition sont des journalistes, donc sont des gens qui vont aller fouiller, aller chercher les dossiers, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première chose, les syndicats de journalistes. Ensuite, il y a des gens, des caciques de France Télévisions qui s'est mis à dos, des gens importants. Notamment, il n'a pas été très diplomate avec David Pujadas, avec Nathalie Saint-Cricq. Par exemple, il lance une émission qui s'appelle Dialogue citoyen, Et il dit, j'ai pas pris Nathalie Saint-Cricq, j'ai pris Léa Salamé, parce qu'elle est virevoltante et sexy. Nathalie Saint-Cricq appréciera. Et surtout qu'elle est, elle s'occupe du service politique de France 2. Donc c'est quand même une personne qui est quand même la mieux placée. Voilà, il s'est mis tout un tas de gens à dos. Et puis, évidemment, toujours la droite qui voudrait pas voir France Télévisions tomber dans l'escarcelle de François Hollande. Vincent ? Oui, parce qu'en fait, chaque camp a misé sur des chaînes de télé. Donc, TF1 est à droite. Là, l'enjeu dernièrement, c'est Canal+. Voilà, Canal+, qui était historiquement, puisque c'est une chaîne qui avait été montée sous François Mitterrand, par François Mitterrand, une chaîne de gauche. Là, on voit bien qu'il y a une dépolitisation de l'antenne qui va s'aboutir notamment avec le remplacement du petit journal de Yann Barthès, qui était l'émission fer de lance de la gauche la plus putassière, en quelque sorte, qui va être remplacée par Vincent Lagaffe, l'ancien animateur du Big Deal sur TF1. Donc c'est vraiment la preuve et la consécration que tous ces journalistes militants très liés à la gauche sortent de Canal+. Alors dans ce contexte de délitement, on a un homme qui poursuit sa stratégie de se maintenir au pouvoir, c'est François Hollande. Et pour cela, il a mis en avant un homme, Macron. C'est sa stratégie Macron. Vincent, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, moi je voudrais rappeler qu'Emmanuel Macron n'a que 38 ans. Donc c'est vraiment très jeune quand on regarde les politiques à l'heure actuelle. Donc il est fils de médecin. Donc son père, neurologue, et sa mère était médecin conseil de la sécurité sociale. Alors son parcours, donc il est passé par l'enseignement privé catholique à Amiens, donc les jésuites, où d'ailleurs c'est là qu'il a rencontré sa future femme, qui était sa prof de français. Ensuite il a fait Hippocagne et Cagne à Henri IV, donc pour dire que c'est avant tout un littéraire, voilà, un poète, il aime le théâtre, le piano... voilà, il aurait peut-être aimé être acteur. Bon, bref. Et au final, il était destiné à faire Normal Sup. Mais bon, il échoue à Normal Sup. Donc après, bon, il se retourne vers Sciences Po, il fait l'ENA, donc il sort dans la promo Sangor, donc une promo qu'on retrouve vraiment dans l'entourage de François Hollande, puisque dans la même promo que lui, il y a Gaspard Ganzer, qui est le conseiller. Communication de Hollande. On retrouve Boris Vallot, qui est le mari de Najat, qui lui est au secrétariat général de la présidence de la République. Donc, à sa sortie de l'ENA, Macron rejoint l'inspection des finances, puis très vite la banque Rothschild. Donc, la banque Rothschild en 2008. En 2012, donc, il rejoint la présidence de la République donc, comme secrétaire général adjoint. Et enfin, en août 2014, il a une énorme promotion puisqu'il devient ministre de l'économie. Alors, sur son parcours politique, on peut rappeler qu'il a été quand même proche des deux chevènements en 2002, donc du mouvement des citoyens. Bon, mais très vite après, il se tourne plutôt vers Rocard. On le retrouve chez les Gracq. Alors, les Gracq, c'était ces hauts fonctionnaires qui appelaient à une alliance entre Ségolène Royal et François Bayrou. Et donc là, dernièrement, donc, il fonde son mouvement qui s'appelle En Marche, donc EM, donc, qui rappelle ses initiales, et donc qui est une espèce de fusée, à mon avis, pour la réélection de François Hollande. Voilà, alors En Marche, c'est un truc... médiatique. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand Emmanuel Macron se retrouve exposé médiatiquement, quand il arrive à Bercy, il va commettre un certain nombre de gaffes. C'est-à-dire que je crois que la première visite qu'il fait en usine, il sort en expliquant que les gens de l'usine sont illettrés. C'est une de ses premières sorties. Et donc, à ce moment-là, on se dit quand même, le type, il ne sait pas communiquer. Et malgré tout, Hollande va subtilement l'utiliser pour contrer Manuel Valls. Alors comment il va faire? Il va se servir de d'un de ses visiteurs du soir, un des personnages qui est très influent à l'Élysée pendant ce quinquennat de François Hollande, c'est Julien Drey, et qui va devenir au fur et à mesure le conseiller de l'ombre d'Emmanuel Macron et lui apprendre à communiquer. Et la preuve principale que Emmanuel Macron est une créature de François Hollande, c'est que le jour du lancement de En Marche, donc au centre d'exposition et de congrès Mégacité d'Amiens, donc la ville dont Macron est originaire, donc il lance ce mouvement En Marche le 6 avril. Et c'est une salle de 2000 personnes. Il faut qu'il y ait 2000 personnes pour venir écouter Macron si on veut que le lancement soit réussi. Et où on trouve les 2000 personnes pour aller écouter Macron? Emmanuel Macron va appeler Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, et lui dit « Écoute, j'ai besoin de militants. » Et Jean-Christophe Cambadélis n'en revient pas. Et Macron lui dit « Si, vois avec François Hollande, on a déjà vu. On a vu ça ensemble. » Et donc Jean-Christophe Cambadélis passe un coup de fil à Hollande, un peu surpris. Et puis Hollande lui dit « Si, tu lui dépêches les militants. T'inquiète pas, Macron, il est fidèle. » Alors évidemment, Manuel Valls, qui avait pensé démissionner, il voulait démissionner pour faire un peu à la manière de Jacques Chirac avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire le Premier ministre qui démissionne pour devenir le concurrent du président et qui n'avait pas pu à cause des attentats, puisqu'il se retrouve exposé médiatiquement. Le type ne va pas dire « Non, je suis candidat, je démissionne alors qu'il y a des attentats, que le pays est à feu et à sang ». Donc Manuel Valls, qui se retrouve enfermé dans le rôle de Premier ministre alors qu'il aurait voulu en sortir pour être candidat, qu'est-ce qu'il fait? Il demande immédiatement la tête de Macron à Hollande en lui disant mais regarde, il va se présenter contre nous. Et Hollande refuse et dit non, Macron reste. Et donc Manuel Valls va faire fuiter dans la presse l'information qui a depuis été reprise partout, selon laquelle Emmanuel Macron s'était rendu à la Bourse de Londres. À Londres le 14 avril pour récupérer des fonds auprès des banquiers de la City. Alors depuis, Macron a évidemment démenti, il ne va pas dire non, c'est vrai. Et donc il a évidemment démenti, mais bon, il n'y a pas de raison que ce soit faux. Alors on peut noter, voilà ce qu'on peut dire sur la fusée Macron. Alors ensuite, il y a un autre aspect qui se trouve derrière Emmanuel Macron, parce que évidemment, il n'est pas tout seul. Alors c'est quelqu'un qui a été mis sur orbite, notamment par Jacques Attali, au sein de la commission Attali, qui avait été mise en place par Nicolas Sarkozy en 2008. C'est quelqu'un qui est extrêmement compatible avec ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire un futur gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une arrivée de Marine Le Pen au second tour couplée à des séries d'attentats. Et à ce moment-là, ce qu'on appelait autrefois l'UMPS, même si les noms sont en train de changer, se rétracte et dit « bon, bah, c'est le gouvernement d'union nationale », sans évidemment le Front National... C'est bien entendu. Une sorte de ticket Juppé-Macron. Quoi. Voilà, une sorte de ticket Juppé-Macron qui a le vent en poupe dans certains milieux économiques. Alors là-dessus, d'ailleurs, François Fillon, quand il était Premier ministre, en 2010, avait déjà proposé à Macron de devenir le directeur adjoint de son cabinet. Donc il est complètement compatible avec les Républicains. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu et qui n'a jamais pris sa carte au Parti Socialiste. Oui, il l'a eu très, très peu de temps. Je crois qu'il l'a eu quand même 3 années, entre 2006 et 2009. Mais ce n'est pas un socialiste, il est pas de conviction. Ouais, voilà, il n'est pas à jour de cotisation. Voilà, alors évidemment, dès qu'il a sorti son mouvement En Marche, et c'est apparu très très vite que l'adresse de l'association était domiciliée chez Laurent Bigorgne. Donc ça, c'est encore un personnage intéressant, Laurent Bigorgne, parce que c'est... Le directeur de l'Institut Montaigne, donc voilà. Un institut patronal. Voilà, un institut patronal, ultra-libéral, certains diront mondialiste, donc qui a été créé par Claude Bébéard en 2000, qui était surnommé, donc qui était le président d'AXA, hein, et qui était surnommé le parrain du capitalisme français. Donc on retrouve ces milieux-là, ces milieux économiques, avec également... des gens issus des réseaux de la communication, hein, comme d'habitude. Donc là, en l'occurrence, c'est un type qui s'appelle Ismaël Emlien, qui a été formé par Stéphane Fuchs au sein d'Avas Worldwide. Donc c'est la grosse boîte de communication proche du Parti Socialiste. Oui, et surtout qui calque son modèle un peu sur comme avait fait Obama, donc en utilisant des cabinets, des start-up qui ont comme spécialité la stratégie électorale. Donc ça c'est un phénomène un peu nouveau. Et dans son entourage, on retrouve également des gens issus de la finance qui, pour la plupart, ont été formés lors de la tentative de Dominique Strauss-Kahn de se présenter à la présidentielle en 2006. Et à grand renfort de publicité, on essaye de vendre donc Emmanuel Macron, en quelque sorte, qui synthétise toute la classe politique dans tout ce qu'elle a de pire, c'est-à-dire les liens avec la finance, la communication, le storytelling, et ainsi de suite. On essaye de nous vendre ça comme une nouvelle offre politique, alors qu'en vérité, comme on le répète, c'est un coup de François Hollande pour se maintenir. Alors, précision, François Hollande, qui est quand même très intelligent, qui est un manipulateur et qui laisse pourrir la situation avec Nuit Debout, dont on parlait tout à l'heure, pour justement décrédibiliser l'extrême-gauche, qui a flingué Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le parti n'existe plus. Alors, il a flingué avec l'histoire Duflot, ensuite, donc Duflot est sorti du gouvernement, ensuite, il a pris Emmanuel Cosse, ensuite, Jean-Vincent Placé, et un certain nombre ont quitté le mouvement. Et puis, finalement, bon, là, il y a eu l'affaire Baupin, qui est un peu le retour, la vengeance de ce sabordage des Verts par les historiques, c'est-à-dire Cécile Duflot. Donc les Verts sont flingués. Là, ils fabriquent un concurrent à Manuel Valls et l'extrême-gauche est discréditée par ses agissements dans la rue. D'ailleurs, concernant cette fusée Macron, on l'a vu faire la une de plusieurs journaux People, Paris Match, Closer. Xavier, tu as des infos ? Oui, alors ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a deux choses. Et d'abord, l'opération de communication comme on a dit, et il y a également, c'est une opération de communication qui vise à masquer des rumeurs qui sont de plus en plus persistantes dans Paris, qui font état d'une brouille notamment entre Brigitte Trogneux, donc, qui est son épouse, qui est de 20 ans son aînée, et Emmanuel Macron, notamment à la sortie donc dans Paris Match, les photos intimes de la vie d'Emmanuel Macron avec Brigitte. Et or, ce que dit le Tout Paris, c'est que Emmanuel Macron aurait en quelque sorte une double vie, et notamment, disons que beaucoup de gens jasent sur ses liens qu'il aurait. Sa proximité avec Mathieu Gallet, donc, qui est le président de Radio France. Alors Mathieu Gallet, c'est pareil, c'est une sorte de Rastignac des temps modernes, qui est de la génération d'Emmanuel Macron et qui est arrivé à Paris et qui n'est pas forcément, surdiplômé. Hein, et Le Monde avait écrit de lui que c'était un cas intéressant d'ascension contemporaine. Alors il arrive à Paris, il est pris en stage au Théâtre du Châtelet, il passe par Canal+, et rapidement, il se retrouve au cabinet de Frédéric Mitterrand, au ministère de la Culture, donc sous Nicolas Sarkozy. Et donc, dans la récréation, Frédéric Mitterrand le décrit comme Tancred. Et Tancred, c'est Alain Delon dans le Guépard, donc, parce que Mathieu Gallet est quelqu'un de très beau, donc qui a su séduire Frédéric Mitterrand. Et donc, je cite Frédéric Mitterrand: Tancred séduit tout le monde et je n'échappe pas à la règle. On s'épuiserait à dresser la liste des raisons qui expliquent ce succès. Mettons que ses qualités intellectuelles sont à la mesure de l'attirance qu'exerce son physique. Tancred n'est pas seulement beau et remarquablement intelligent, il est aussi jeune, cultivé, bien élevé, travailleur, plein de veillance et encore très ambitieux. Tancred se prête à chacun et ne se donne à personne. Il est aimable, attentif, prévenant avec tous, mais on ne lui connaît aucune liaison dictée par l'emballement sensuel, l'amusement ou l'intérêt. Donc voilà le genre de personnage. Alors lui dirige Radio France. Voilà. Chers auditeurs, nous venons de traiter avec Xavier et Vincent des sujets qui occupent les pages des derniers faits et documents. Alors je vous recommande à tous, hein, bien sûr, la lecture de cette lettre bimensuelle. Vous pouvez vous abonner sur le site faitsetdocuments.com. Alors il y a un sujet également qui est très intéressant et qu'on a pu lire dans l'un des derniers faits et documents, Vincent, c'est le sujet traitant des coulisses de la principauté de Monaco. Oui, voilà, c'était dans le précédent numéro, dans le cadre du Club des 100, on est arrivé donc au portrait de Albert II de Monaco. Voilà, donc des détails croustillants, Xavier, que vous avez glissé dans cette lettre. C'est une histoire un peu des coulisses de la principauté de Monaco. Bon, on ne va pas en parler à l'antenne parce que ce n'est pas un sujet vraiment d'actualité. Mais voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas de sujet inintéressant. C'est comment on traite le sujet, l'angle qu'on peut trouver, avoir des choses à raconter. Voilà. Alors parmi ces sujets, donc, ce sont bien sûr des sujets souvent sérieux, hein, les réseaux, le pouvoir. Mais alors est-ce que, à faire ces documents, vous vous intéressez également à des sujets plus légers? Par exemple, je pense au football. C'est-à-dire que ça reste quand même une lettre de politique, mais pourquoi pas parler de football à l'antenne? Bah, allons-y, je sais qu'il y a en ce moment la Coupe de France, c'est ça? Oui. Alors Xavier, est-ce que tu as des infos sur cette Coupe de France? Et notamment un joueur qui fait parler de lui, Zlatan Ibrahimovic. Oui, alors là, on a assisté au grand départ de Zlatan Ibrahimovic après la victoire du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille le week-end dernier. 4-2, c'est ça, Vincent? Oui, c'est ça, 4-2. 4-2, donc pour le Paris Saint-Germain. Alors, cela dit, Zlatan Ibrahimovic, c'est un joueur immense, hein, bien sûr. En plus, c'est un joueur qui a un physique complètement atypique. Il est très grand, alors que les joueurs de foot ont souvent... en tout cas des petites jambes, alors que lui vraiment c'est un joueur acrobatique parce qu'il est passé par les arts martiaux avant. Et ce que cache le phénomène Zlatan Ibrahimovic, puisqu'on a inventé des mots zlatanés, tout un vocabulaire, un mythe et ainsi de suite autour, c'est l'effondrement quand même du championnat de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a le PSG qui est arrosé en pétrodollars, et puis derrière... Il y a les autres. Derrière, il y a les autres, et derrière, il y a de moins en moins, quoi. Il y a vraiment presque plus rien. Et cela dit, je vais faire quand même une petite remarque sur Zlatan Ibrahimovic. La première, c'est que il est présenté comme un bad boy. Et alors ça, c'est largement une histoire qui est vendue par Nike, qui est son sponsor, et qui l'enferme dans ce rôle, alors que c'est une personnalité quand même beaucoup plus intéressante, puisque c'est un fils d'immigré croate par sa mère et bosniaque par son père. Donc le père est musulman et la mère est catholique. Et lui donc, a grandi à Malmö en Suède, où ils se sont réfugiés pendant la guerre des Balkans. Et il a adopté par exemple la culture catholique. Et donc c'est quelqu'un qui a un grand, grand souci d'élévation sociale. Donc il a épousé une femme très riche qui gère ses affaires. Et là, par exemple, pour un fait assez amusant, on l'a aperçu au dernier salon de la chasse à Rambouillet, ce qui est quand même des notes par rapport au reste du milieu du foot. Voilà, donc c'est un personnage beaucoup plus complexe que ce qui est vendu, je pense malheureusement, par son sponsor. Alors après, sur la qualité intrinsèque du joueur, il a joué quand même à l'Inter, il a joué au Milan, il a joué à la Juve, il a joué au Barça. Et il a joué à l'Ajax Amsterdam. Et alors, ce qu'on dit, c'est que partout où il est allé, il a gagné. Il a gagné, mais il a gagné quoi? Il a gagné le championnat. Est-ce qu'il a déjà gagné la Ligue des Champions? Non, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et c'est ce qui se dit, en tout cas, dans la presse italienne au moment où il y jouait, c'est que dans les grands matchs, malgré tout, Zlatan n'est jamais là. Et avec le PSG, ça s'est encore vérifié, puisque malgré tout son budget... le PSG n'aura toujours pas remporté la Ligue des Champions et Zlatan n'y aura rien fait. Donc il y a un côté quand même, il y a un côté, bon sans aller jusqu'à, mais il y a un côté Harlem Globetrotter quand même, c'est-à-dire que c'est ces joueurs de basket qui font des choses techniquement très très fort, et puis, mais bon, qui sont là pour la démonstration. Et je trouve que bon, les supporters du Paris Saint-Germain oublient peut-être un peu vite des joueurs qui eux étaient pour le coup beaucoup plus modestes et qui n'avaient pas beaucoup, beaucoup de ballons et qui ont quand même marqué des buts comme Paoletta, voilà. Vincent, un avis sur Zlatan? Oui, en fait, la malchance de Zlatan, c'est qu'il joue pour la Suède, un peu comme Ronaldo joue pour le Portugal. Le seul qui avait un peu une chance, c'était Messi avec l'Argentine. Oui, mais malgré tout, on voit qu'en club, sur des gros gros matchs, il n'a jamais été décisif, alors que par exemple, des joueurs... Comme Zidane, ou même un attaquant beaucoup moins élégant comme Pippo Inzaghi, qui a joué au Milan, et qui systématiquement, sur les grands matchs, vous claquez deux buts. Voilà, donc Zlatan, phénomène Zlatan, et un petit côté, moi, il me laisse un petit côté Harlem Globetrotter, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Eh bien, nous laisserons les auditeurs réagir en commentaire sur le site d'Égalité et Réconciliation concernant ce sujet, le foot, qui est un sujet qui fait réagir en général, mais aussi tous les autres sujets dont nous avons traité aujourd'hui. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Alors Vincent, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Merci. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Casper Valmé. Son album Espoir est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Russian Smile. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. We'll be right back.